sont figés là sans connaître. Et n'ont que du sud à penser. Je dois retourner vers le nord, chanter l'été du Labrador. Je ne sais pas si vous êtes des auditeurs fidèles de CKRL, mes amis. Bonjour à vous. Je vous embrasse partout. Si c'est le cas, vous avez déjà entendu mes impros. Alors, j'appelais ça et j'appelle ça encore un laboratoire d'improvisation. Parce que ça fait de un sérieux. Hein? Donc, on ne rit pas avec la tragédie ou le côté sérieux. Quoique la comédie aussi, c'est sérieux. Denise Filiatro disait, qui est une comédienne, metteur en scène, elle a toutes les qualités, chanteuse même, oui. Et elle dit encore, parce qu'elle est toujours vivante et plus que jamais. Elle soulignait souvent le fait que c'était plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Bon, alors moi, il y a quelques années, je prenais mon livre de Charles Bukowski qui s'appelle Contes et Nouvelles. C'est encore mon livre de chevet. Il est épais, un peu comme moi. Et quand je ne suis pas de bonne humeur après moi, ben je m'en fous un beau coup sur la tronche. Et comme la jaquette est rouge, le sang et la jaquette ne font qu'un. C'est très violent, je le sais, madame. Ne criez pas. Cessez. Parce qu'il est minuit quelque, et je crois que vos voisins risquent, une fois le gamin, risquent de ne pas apprécier. Mais vous pouvez rire dans votre bar, monsieur. Mademoiselle, vous pouvez rire sous votre jaquette. Vous êtes libre. Vous pouvez placer vos cheveux, si vous avez le cheveu long, là, placez-vous ça en plein visage et ricaner derrière vos cheveux. Alors, je vais utiliser une phrase d'une des nouvelles de Charles Bukowski, de son livre « Contes et nouvelles ». Je vous le conseille fortement si vous aimez Charles Bukowski. Donc, ça commence comme c'est écrit. « Masson parlait avec une fille au téléphone. Puis lui, il n'était pas sur le cellulaire parce que dans les années 80, le cellulaire, ça n'existait pas. » Donc, moi, j'habitais avec lui, hein, tu sais, on était coloc. En fait, il y avait trois colocs. Il y avait Charles, il y avait moi, et puis il y avait aussi l'incroyable Jézabel. Moi, on a toujours eu une petite crainte que ce ne soit pas son vrai prénom, et parce que la crainte n'est pas du fait que ce n'était pas son vrai prénom, parce qu'on se disait pourquoi elle cache son véritable prénom. Est-ce une tueur en série? Une tueuse en série? Est-ce une tueuse en série? Est-ce une cinglée? Est-ce quelqu'un qui a décidé de changer d'identité pour se remettre sur le droit chemin? On ne le savait pas. Donc, on l'appelait Mademoiselle. Fait que, tu sais, quand on était un peu... déphasé, c'est bien de dire déphasé, à côté de ses baskets. Quand on cherchait le mot, on cherchait la chose, on cherchait le goût de discuter, puis qu'on trouvait rien, on allait dans notre chambre, puis on vaquait à des occupations solitaires. Ça n'a rien à voir avec « Non, madame, arrêtez. » Quand on dit « plaisir solitaire », oui, mais on peut faire autre chose, là. Jouer à faire son jeu de patience, parce qu'on n'en a plus de cartes, pas de patience. On cherche la carte, on n'en trouve pas la maudite carte. Puis en plus, il en faut 52, imagine-toi. La première est où? Est où? Fait que là, tu demandes à ta coloc où t'as mis le jeu de cartes. Elle dit « Ah, mais mon Dieu, moi, te raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. » Elle avait une voix, oui, rocailleuse, surtout en fin de soirée, parce qu'après, elle avait, au début, à son lever, elle avait une voix douce. On aurait dit un rossignol, mais à la fin, c'était un peu comme ça. Alors là, elle me dit, écoute bien, on a joué aux cartes, mais là, à un moment donné, le beau bonhomme qui était avec moi parce que je l'ai trouvé dans un bar. Le bar du coin. On trouve toujours le monde dans le bar. Et puis, là, il m'a dit que c'était un fanfaron. Je te l'ai mis dehors, hein, vous êtes même pas rendu compte de rien. Non, non, j'ai mis son visage dans un sac en plastique. Non, non, pas pour l'étouffer, juste pour le faire sortir puis empêcher qu'il crie. Et puis après ça, je l'ai délivré. Je lui ai dit, va-t'en, mon va-nu-pied, va-t'en, il ne revient plus. Tu n'es qu'une prouesse vertigineuse. Tu sembles être une prouesse vertigineuse, mais tu n'es que l'ombre de l'hypocrisie québécoise. Et? Ouais, ça, c'est un rire machiavélique, oui. Et puis là, pourquoi elle l'avait mis dehors? C'est parce que lui... C'est un fin rieur. Tu sais, faut avoir de l'humour. Puis bon, elle n'a pas, certains. Dans la vie en général, elle en a, mais pas à toutes les heures. Puis ça dépendait aussi de ce qu'elle faisait. Elle la perdait des fois avec le temps, puis avec les gorgées, puis bon. Et non, lui avait... On va le balancer, le gag. Il lui avait dit, « Veux-tu jouer au 52 Camas... » Camas remonte, oui. Au 52... Au 52 cartes ramasse. Elle dit ramasse. C'est pas ramasse-massé, là, le beau-frère de Gaétan Brisebois. Parce que lui, là, je le rappelle plus, moi. Parce que je lui ai prêté mon dentier avant-hier, puis il me l'a jamais ramené. Puis j'ai bien peur que s'il me le ramène, il va avoir des ingrédients que je ne veux pas. Parce que tu sais que, bon, je suis sage depuis 2 ans et demi dans certaines. J'ai une sobriété. Une certaine sobriété, oui, on va dire les volumes. Une certaine sobriété, pas au niveau de l'alcool, mais au niveau de la droge. Ah, j'ai arrêté la droge. Ah, oui, je ne me droge plus. Ah, non, quoique la cigarette est une droge. Je l'ai arrêté. J'ai même arrêté la police. J'ai dit, police, pouvez-vous m'énumérer? Parce que vous avez étudié ça, là. Je ne veux pas parler à un médecin parce qu'ils ont des vies à traiter, mais vous êtes un gars de la loi. T'as eu un secondaire 3, toi, là? Ralenti, non? Ah non, t'as une formation. Bon, t'as une formation. Alors, tu connais toutes les droges. Est-ce que c'est comme Serpico, le film de Serpico avec Al Pacino? T'es-tu tout essayé? Moi, non. Pas au Québec. Ça se fait juste aux États-Unis. Ben, voyons donc, toi, tu me diras pas que tous les policiers aux États-Unis ont essayé la droge? C'est des anciens délogés? Oh non, OK, c'était juste pour... Ah, c'est dans le cadre de leurs études. Ah, bon, après ça, le cadre est tombé, puis c'était terminé, là. Le clou est parti à travers le mur, puis le cadre est resté en mille miettes, puis toutes les miettes couraient partout parce qu'ils ne voulaient plus se rejoindre. C'est étrange, ton histoire, toi, là, là. On dirait que c'est surréaliste. Oui, je dégonfle constamment, moi. Parce que j'ai acheté ma poupée gonflable. Ma première poupée gonflable, je l'ai achetée à 22 ans. Mais en fait, parce que moi, je suis une demoiselle. Ben oui. Rita Brisebois, c'est moi. Je suis une demoiselle, oui. Une demoiselle, excusez-moi. Et qui voulait se confondre à toutes les autres demoiselles. Mais nous autres, on a, voyons donc, oui. On veut avoir notre autonomie intellectuelle, notre autonomie physique aussi. Puis je me demandais, est-ce que j'étais pulpeuse, comme des poupées, une poupée gonflable? Donc, j'ai acheté la poupée gonflable, je l'ai gonflable là, mais à l'hélium. Parce que moi, je n'ai pas assez de ça. Fait, je fume 3 paquets de cigarettes par jour. Savez-vous comment ça me coûte par jour pour juste la nicotine? 45 piastres de nicotine. Là, moi, j'ai appelé mon médecin, j'ai dit, pouvez-vous m'amener ça en ultraveineuse? Des petits sacs là, de nicotine, je me mettrais ça, tu sais, comme un soluté, goutte par goutte, et puis ça coûterait moins cher, je sais pas. Là. Moi, ça existe, vous pouvez pas l'inventer, vous avez fait des hautes études. Pas comme le policier qui a eu juste un secondaire 5, puis après ça, il a été au cégep, puis il a down, là. Pas été à l'université, les autres, ces policiers-là, là. Les pompiers non plus. Les pompiers, mais quoi qu'il y en a aussi. Ben non, je dis pas que tous les policiers n'ont pas eu des études universitaires, bien au contraire. Il y en a eu, mais il y en a d'autres qui ont juste un cursus secondairien et collégien. Et ce sont des Ariens qui sont extraordinaires, qui sauvent des vies, qui protègent les citoyens des méchants loups qui vivent en société qui se cachent pour mieux bondir sur leur poids. Comme petit chaperon rouge, c'est le renard qui dit... non, c'est le loup, c'est pas le renard. Le renard, ça, c'est ça, une autre affaire. C'est une autre... Ça, c'est une fable, le renard, là. T'as connais-tu avec Jean de la Pompaine? Bon, ça n'a rien à voir. Moi, c'est l'autre, le loup. Comme la chanson de Red Johnny, le loup, oh, les loups sont rentrés par Paris, par Ivry ou par ici, les loups sont partis par Paris. Tu peux bien rire, charmant, les loups ont sorti par Paris. Puis lui, ose dire, Red Johnny, que c'est même, ça raconte pas l'histoire hitlérienne. Tu sais, quand les Allemands sont entrapés, ils disent non, ça n'a rien à voir. C'est, bon, non, c'est une métaphore. Puis, ben là, c'est bizarre. Hein? Ça embrasse bien, ça épouse bien l'histoire hitlérienne. Mais si c'est du Red Johnny la charte, il doit connaître le texte. C'est pas lui qui l'a écrit. Red Johnny a écrit aucun texte. Il est comédien, chanteur. Oui, c'est le temps d'arrêter l'improvisation et vous voulez savoir le titre? On peut vous le dire si vous êtes sage. Ça s'appelle... Alors, c'était « Masson parlait avec une fille au téléphone ». Alors, maçon, c'est qui? Ben, c'est le maçon, là. C'est celui qui fait de la brique, puis qui met du plâtre, puis il tire-tu des joints, lui? Bon, il arrêtait la droge. Bon, OK. Fait que, ça, c'est bien dans la radio. Hein? On se croirait dans une radio commerciale. C'est épouvantable, le langage. Hein? Là, on est à ce QRL, on est... oui, on est attentif. Quoique, j'ai fait combien de fautes actuellement depuis le début, là? C'est 27. 27, bon, c'est pas ça, OK, hein? 28 bientôt, hein, mais c'est pas si mal, je me suis repris. Quand je reprends, là, c'est pas une faute. Une faute, c'est quand je glisse dessus puis je m'en rends pas compte. Bon. Alors, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est « Les grands écrivains ». Les grands, c'est 6 pieds et plus, hein. Si vous avez 5 et 9, là, vous n'êtes pas un grand écrivain. Que ça marche toujours. nous allons franchir dans quelques minutes un atelier d'improvisation encore. Hey, ça arrête plus le bonheur, hein? Mais là, comme je cherche ma feuille, on va passer à une autre chanson. Ça vous dérange pas? Non? Parfait. C'est parti! Faut que ça cesse, ou que ça casse, faut que ça cesse, nous deux, faut que ça cesse, oh, que ça casse, sans caresse, je me trace. Comme l'eau du ciel, mes yeux ruissellent. Comme l'eau du ciel, tu t'es fait la belle. Faut que ça cesse, ou que ça casse. Faut que ça cesse, nous deux. Faut que ça cesse, ou que ça casse, sans caresse. Je me casse dans l'au-delà, on se retrouvera dans l'eau de vie. Je me noie, c'est fini. Tu me tues, ne m'aimes plus. Oh oui, tu me tues, tu l'auras voulu. Ne m'aimes plus, ne m'aimes plus, ne m'aimes. C'est bien d'ouvrir un micro quand on fait de la radio. Oui. Oui. L'atelier d'improvisation. Improvisation. Impro. Zation. Zation. Zation. Nous chercher le mot avant de trouver la solution. Comme disait le grand Montparnasse de Baudio. On comprend rien quand il se parle. C'est normal. L'écho froisse, la capacité de saisir. Et c'est pour ça que nous l'utilisons. La voilà. Cherche pas ton père. côté du grand flambeau. Imagine. Quand la vie s'épare, et tu ne vois rien. La sorcière de Schlem, c'est le grand Schlem. La sorcière a fait un grand Schlem. La cherche-tu encore? Qui le Schlem? Non, la sorcière. Sors de ce corps. Sorcière féconde. Chercheuse de troubles. Va nu-pied de toujours. Si tu crois que la température de ton innocence se calcule à la vibration de tes mots, tu n'es qu'une trouble fête, une trouble fête, une pauvre bête qui cherche son ombre partout devant un soleil immonde qui brûle sous ton cortex cérébral et qui te décrit très bien la personne que tu n'es pas. Reste toi-même. S'il vous plaît, reste toi-même. Je pense qu'il est parti, reste toi-même. Non, reste toi-même. Il est où toi-même? Il est parti toi-même. Toi-même. On retrouve des expressions qui impressionnent l'imaginaire, en tout cas le mien. Des termes aussi incisifs qu'un slogan, nous dépouillerons ce soir, cette nuit, un de ces fleurons devant vous, histoire d'errer. Alors, c'est de mon ami Marc Aurel, pas Marc Aurel Fortin, là, Marc Aurel, qui disait quoi, là? Est-ce que c'est Marc Aurel? Oui, il disait, en te levant le matin. Alors, si tu es un travailleur de nuit, ça ne fonctionne pas. Parce que nous, c'est on se lève le soir. Bon, Marc Aurel n'avait pas réfléchi aux toi position des patois qui te voient d'embaucher. Mais les cabochons trouveront l'ignorémie qui se retrouvent toujours dans leur lit. Les petits crapauds. Hey, mais à parler de crapauds, on reviendra à ça, c'est pas important. C'est errance rénadienne, c'est très important pour une société, errance rénadienne. Hey, la planète attend son errant rénadien, là. Quand je descends, moi, de l'avion, là, je crois-tu qu'il y a des fleurs qui vont tomber sur moi et dire « Oh, c'est les rangs, hein, pardon? Oui. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire, donc? Ah oui! Je sais pas si vous avez vu le film dans les années, je crois que c'est fin 90, avec Tom Cruise. Il venait de terminer Les yeux grands fermés de Kubrick et c'était son deuxième film après le Kubrick parce que, je l'ai dit à quelques reprises, mais pas assez souvent, quand tu rentres dans un film de Kubrick, tu es un comédien, c'est sérieux, ou une comédienne en tout cas, c'était dans l'expression de la création. Comment dire, dont un acteur, on va dire un acteur. Si tu es un acteur ou une actrice, quand tu acceptes, un peu comme Piala, de rentrer dans son univers, c'est pas pour 4 mois ou 3 mois comme on fait normalement pour un film traditionnel. Comprenez-vous? Je suis là, sur la banquise. Ne m'abandonnez pas. Écoutez-moi, c'est compliqué. OK, on va faire simple. Kubrick, comme Piala, quand ils choisissent de faire un film, ils savent même pas la durée que ça prendra. Ça peut se rendre à 2 ans, 3 ans, 4 ans. On le sait pas. C'est des créateurs qui sont autonomes, pas... Ils sont pas dérangés par le temps et ça, c'est formidable. Donc, on va revenir à Kubrick, pas à mon ami Maurice Piala. Kubrick avait demandé à Tom Cruise et à Nicole Kidman, qui était un couple à l'époque, mais c'est là que tout ça s'est brisé en faisant Les yeux grands fermés. Eyes Wide Shut. Et donc, qu'est-ce que pourrait je dire? Ah oui, c'est ça. Donc, Tom Cruise avait fait ce film-là et ensuite avait passé à l'autre film dont je me souviens plus le titre. Et puis, non, c'est pas le titre, ça, je me souviens plus du tout. Non, c'est pas. Non. C'est parce que moi, là, dans mon cortex cérébral, je m'en rappelle plus. Pas de mon cortex cérébral, du titre du film. Mais c'est un film extraordinaire avec un réalisateur là, qui a fait des œuvres d'art, des perles du 7e art. Et je vous le trouverai là, à un moment donné, même peut-être aujourd'hui. Puis, il y a une expression, ils l'ont traduite quand j'ai écouté un documentaire, c'est « il pleut des grenouilles ». Il va pleuvoir des grenouilles. Ça veut dire que c'est improbable. Puis dans le film, on voit qu'il y a des grenouilles qui tombent du ciel. Puis là, voyons donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Tu cherches? Puis c'est juste avant-hier que je me suis rappelé cette scène-là où les grenouilles tombaient du ciel. Puis là, je dis, ah, c'est cette expression-là. Hey! On apprend tous les jours. Puis même si on n'a pas compris un film, c'est pas parce qu'on est idiot, c'est qu'on n'a pas la capacité actuellement de tout saisir. Mais un jour, on est en évolution intellectuelle. Un jour, tout fonctionnera, tout s'embriquera, tout aura un lien. Et je suis très heureux d'avoir fait ce lien-là. Et puis là, on va vous parler. On a été trop. Non. On n'est jamais trop bavard. Comme je vous ai dit, c'est l'atelier d'improvisation. On retrouve des expressions qui impressionnent l'imaginaire, en tout cas le mien. Des termes aussi incisifs qu'un slogan. Nous dépouillerons ce soir, cette nuit, un de ces fleurons devant vous, histoire d'errer. Et c'est monsieur, hein, qui ne pense pas aux travailleurs de nuit, Marc Aurèle. Marc Aurèle disait, mais je pense que je me trompe de feuille. C'est Marc Aurèle qui dit, ah oui, OK. Marc Aurèle disait, en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Pas merveilleux, ça? En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Now il faut que je vous raconte. En écoutant cette chanson-là, je faisais à un moment donné le Radioton, je ne sais pas quelle année, je pense il y a à peu près 8, 9 ans, 10 ans. Et, c'est le moment où je faisais 50 heures de radio. Et puis, c'était, non pas Trouver Charlie, mais Trouver Rénal. Okay, dans quelle émission il allait s'intercaler. Et puis, je faisais aussi avec Raymond Poirier, les Lancans. C'était tellement fou. C'était à l'époque où j'étais d'époque. Et je faisais aussi l'émission de nuit. Je faisais 50 heures de radio. Là. Je tenais la barre. Je tenais pas le bar parce que sinon, j'aurais pas fait longtemps. Mais je tenais la barre de CKRL. Et je me souviens plus de la chanteuse québécoise quand même très connue. Puis écoute, je pense que ça faisait 22 ans que je faisais de la radio et c'était mon émission de nuit. Je faisais deux émissions de nuit et la deuxième. Et là, je me souviens plus du nom de la chanteuse et je frappe à la vitre de celui qui était à la console parce que lui avait toutes les feuilles. Et puis, devant moi, dans le même local, il y avait moi et la chanteuse avec son orgue. Et en avant, il y avait une vitre, bien sûr, on est à la radio. Et puis, avec le metteur en onde et aussi plein de monde qui lui parlait. Fait que là, je frappe à la vitre, il n'entend pas, il parle avec lui, ça rit, ça mange des crudités. Là. Et bien, en studio, on n'a pas le droit de manger de crudités en studio. Faites pas ça, ça fait des miettes à la console. Puis nous, on est une radio communautaire, hein, on n'a pas les moyens d'acheter des consoles à tous les semaines. Fait qu'il mangeait ça à l'extérieur, mais le gars qui faisait de la mise en onde, je frappe je voulais le faire, mais il y avait une vitre. Puis là, il comprend pas, il entend pas, puis là, les gens qui étaient de l'autre côté, ils me regardaient pas. Et là, j'étais comme le gars, hey, j'ai un blanc de mémoire, c'est qui? Peux-tu me glisser à mon oreillette le nom de la fille qui est avec moi? C'est ça, je voulais arriver à ça, mais voilà. Monsieur le Président, hein, mais c'est-tu une belle anecdote savoureuse? On se la savoure-tu ou ça sera? Ah, ben écoute, il faut être honnête, là. On a du plaisir. Non. J'ai du plaisir. Bon. Ça fait partie de quoi? La masturbation sonore? J'espère que non. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénadienne. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots, celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Avez-vous tout compris, là? Je vais mettre plus d'intonation, oui, excusez-moi. Ben voyons, donc moi je suis un aide de théâtre, j'ai étudié avec Franz Castel. Oui, avec Jacques Longuerrand, avec tous les grands, bref. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci. Ça, c'est le mot, là. Hein? OK? D'accord? Vous m'avez suivi, là? Ou le concept, c'est le concept qu'on va, oui. Pour en observer la moindre couture, alors on va démystifier, OK? Fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure, parce que là, ça, il va faire partie, peut-être, du monde. Hein, c'est comme un royaume dans le royaume, dans le château symbolique de la francophonie. C'est pas n'importe qui peut. C'est pas n'importe quelle phase, n'importe quel concept qui va avoir le droit d'y adhérer. Ça peut être un mot aussi, là. Donc, on verra si ce soir, on va se défendre avec le mot qui me sera offert dans l'autre page. Parce que je ne sais pas le mot. C'est de l'improvisation, madame. Bon. Afin de aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Tu sais, placer en garde à vue, là, ça veut dire il y a un malfrat, ou on croit que c'est un malfrat, on l'emmène au poste, on le place dans une salle, il est en garde à vue. Bon, OK, le mot sera en garde à vue, et c'est le mot observation. Observation. On est observé. nous vivons actuellement, là, en 2023, depuis bien longtemps, c'est pas George Orwell qui s'est réveillé et puis ah, Big Brother, c'est. Ben oui, heureusement que c'est lui, mais qui a allumé, qui. Peut-être pas allumé, mais qui a amené le terme Big Brother. Nous sommes dans une société de Big Brother. Il n'y a pas de traduction française, là. Nous sommes observés de partout. Tu marches dans la rue à Québec, là, dans le Vieux-Québec. Tu es filmé sans le savoir. Dans les poteaux, au-dessus des poteaux, il y a des caméras. Tu es dans ton travail, il y a des caméras partout. Les caméras, ce n'est pas pour vérifier les voleurs. C'est pour regarder les employés travailler. Parce que c'est plus, hein, la majorité des endroits, là, dans un restaurant, dans j'allais dire un club vidéo, ça n'existe plus, hein. Il n'y a plus de club vidéo, non. C'est dommage. Parce que moi, là, je cherche depuis 3 semaines là, la cassette de Zombie en péril, 1968, de George Michael. Pas George Orwell, George Michael, ouais. C'est un film de série B, mais moi, j'embrasserais plus le C. Parce que si tu le vires de tous côtés, il peut te gober. Ben oui, le C, il te fait... Ben oui, t'es dos au C. Ben, écoute, ben, toi, t'es là. Il y a le C qui est après toi. Donc, tu es le C est dos à toi. Mais s'il se tourne, sa grande bouche peut te manger. Et tu deviens un... Non, non, c'est pas la friture, c'est le mot que je veux dire. Tu deviens un colibri. Un petit oiseau qui peut être mangé par le C. Ou tu es un... Pas un crocodile, parce que le crocodile, je pense qu'il va te donner un coup de queue, puis il va te manger le C, là. Fait que C mange jamais un crocodile. Donc, ça peut être aussi un... Cloche. Manger un cloche. Une cloche. Manger une cloche. Ben, je te le conseille pas parce que si tu te retournes de l'autre côté puis tu t'en vas, on va t'entendre. Ben oui. Et prends pas quelque chose de sonore, là. Hey, le C, là, elle sait même plus où elle va, là. Ben pourquoi on met pas masculin assez? Hein? Le C. Le sais-tu que le C, c'est masculin? Le B, le F, c'est vrai. Tout est masculin dans les lettres alphabétiques. Encore du machisme. L'avez-vous observé? L'observation. On se fait observer de partout. Alors, tu sais, dans ton milieu de vie, là, tu vis dans le milieu... Ça, il faut faire attention, milieu de vie, ça mérite. Parce que les centres de personnes âgées, il y a des... Parce que c'est une entreprise, là. Hein? Ils font de l'argent avec les personnes âgées. Puis on leur fait croire que c'est... Hey, non, non, madame. Mais non, c'est votre milieu de vie. Hey, veux-tu vivre, toi, avec un cuisinier en bas qui, et ça, c'est dans plusieurs endroits, là, qui a un montant fixe, OK, par année. Je sais pas combien ça peut coûter. Disons, 20 000 piastres. Il y a 20 000 $ par année pour faire de la nourriture pour X personnes âgées. Puis s'il ne dépasse pas ça, le reste va lui revenir. Il en mange-tu souvent, les petits trottis? Oui, mais on m'a dit que c'était dans... Oui, que j'allais... C'était mon milieu de vie. Moi, dans mon milieu de vie, je ne vais pas manger ça, des rôtis. Moi, au déjeuner, je vais manger un steak, là. Si c'est possible, comme j'ai la dent molle, je demanderais... j'ai la dent molle. Arrête de ricaner, toi, quand tu vas être plus vieux, là. C'est pas juste la dent qui va être molle. Tout le reste va ramollir. Sauf ton intelligence, si tu y fais attention. Mais comme t'es rendu là, je pense que c'est déjà trop mou. Avale ça, puis voyons, étouffe-toi avec. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben oui, c'est ça. Je veux avoir mon filet mignon, moi. Le matin, le midi, puis le soir. Mais comme le cuisinier, lui, son profit, c'est de coûter moins cher pour nourrir les personnes qui sont là dans un milieu de vie, hein? Un milieu de vie. C'est du gruyot, des rôtis, du petit pain tranché pas trop cher. Pas au lait, à l'eau, ça coûte moins cher. Prendre des restants. Et puis, c'est ça. Tu sais, à Noël, ben pour faire plaisir, on met pas de gâteau, on met une bougie avec de la crème fouettée dessus, puis une bouillon, voyons donc, on plante quelque chose, puis ouais, hey, joyeux Noël, joyeux Noël. Oh, on est bien, nous autres, on est vieux. On est vieux puis bien. Ah, oh, bon, quel milieu de vie. Je pense qu'elle sent le consens. Hein, pardon? Ouais, on rit de nous autres. On est observés de partout. Ah oui, oui. Quand je vais aux toilettes, moi, là, je suis allé aux toilettes il y a 2 semaines. Ça va, je suis constipé, mon dieu. Je suis constipé, moi, du langage, de la vessie, puis la vésicule minière, puis... Ah oui, le décorum n'est plus. Ça sort comme ça peut. Ben, beau manger du fromage, là. On cherche souvent à la raclette. Quoique le fromage, tu peux mettre ça sur la raclette, mais en tout cas, tout ça, c'est ça. Bon, le monde nous dépasse. On est observé de partout. Même, j'ai bien peur que les nouveaux enfants qui vont arriver, là, ils vont pas avoir juste avoir 2 yeux, ils vont en avoir 3, hein. Faut appeler, tu sais, 3e œil, le cyclope, le cyclopéen, cycliste, en tout cas, l'œil dans le front. Ah, mon doux. Je sais pas si il va avoir une lumière là-dessus, là, mais il faudrait qu'il y ait une lumière dans la tête de tout le monde, parce que, hey, c'est de la veilleuse, hein. On vit dans un monde de veilleux, puis de veilleuse. Ah, tu sais, ta belle-sœur, là, ta belle-sœur qui t'a tricoté un beau cache-nez pour le mois de juillet, pas parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait soleil, puis tu mets pas de crème, toi, là. Tu te fous de la crème, tu penses que c'est pas important, c'est pas toi qui vas attraper le cancer du nez. T'as-tu déjà eu ça, le cancer du nez? Tu connais-tu quelqu'un qui a un cancer du nez? Ne nie pas. T'as pas observé quelqu'un? Hein? Observation depuis le début, hein? Avez-vous observé? Les gens s'en sont rendus compte. T'as-tu observé? Arrête de dire. Le narrateur, acteur, hein, il est en haut, là. T'as-tu déjà... Ah oui, on a... repose les dents en compte. L'as-tu déjà... hein? Comment là? L'as-tu déjà accepté? L'as-tu déjà remarqué que le soleil est aux... Un jour de la journée. Pourquoi pas un jour de la nuit? Mais là, c'est le soleil. Tu parles quoi? Quelle langue, là? Là, parce que je m'emporte. Quand je m'emporte, là, on dirait que le cerveau et mon langage glissent et quittent la terre. Puis moi, quand j'étais petit, là, parce que j'ai déjà été petit, ça a duré 2 jours. Tu sais, deux jours après ça, vieux, là, pendant 58 ans. So now that they know that you don't belong here, where did you go and who else is in there? I've been running behind, you're afraid that you're late. Thank you. Comme le disait Jim Morrison, Errance Renadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Thank you. Je vous propose aujourd'hui une invitée extraordinaire, Rebecca de Rennes. Rebecca de Rennes est une comédienne, une femme de tête, une féministe, une fille extraordinaire, une intellectuelle. Alors je vous la présente dès maintenant, Rebecca de Rennes. Dans les bars de quartier la prochaine fois. Désolé, ce sera côte à côte. Ou je vous déplace sur une autre table, mais ce sera côte à côte, je suis désolé. Ouais. Côte à côte là, ça va, du moment qu'on ne dépasse pas sur le trottoir? Côte à côte, comme mesdames. D'accord, il y avait une chaise qui était là, alors on s'est dit qu'on pouvait. Okay. Est-ce que c'était la... Est-ce qu'il y avait la poussette? Ah! Ah! Alors, ben... Ok. Sinon, je m'en face à face à l'intérieur, la même table qu'hier, si vous voulez. Oh non, merci. On va se placer ça ici. Va aller. Pourquoi pas? Hein? Ouais. Oh oui, pourquoi pas. Je alors sinon ça. Je vais le mettre en procès, vous savez. Hein. Pardon? Je vais le mettre en procès, vous savez. On se connaît pas, il se rapproche de moi. Mais non. Alors ça va? Oui, ça va et toi? Ben oui, mais c'est. J'ai le droit de faire des blagues à la con quand même. Bon. C'est pas très sympa. Non, mais c'est le stress peut-être, je sais pas. Mais ce qui me plaît, c'est que ça a pris du temps avant de se rencontrer et maintenant nous voilà. Eh, ça fait 5 ou 6 ans que. 6 ans. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me trouve sur Reynald? Moi, j'ai écouté ton émission, tu m'as fait beaucoup marrer. Ah, ben merci. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah, ben merci. Ouais. Sinon, je rencontre les gens que j'aime bien, moi. Hein, pas... C'est gentil. Non, mais je te connais à travers des comédiennes que tu connais aussi. Ah ouais? Ben oui, Aline Stinus, tu connais? Aline Stinus? Oui. Pas personnellement. OK. Donc, elle t'a vu en spectacle, elle t'a vu au théâtre. et elle m'a parlé de toi. Mais ça, ça fait 5 ans, 4-5 ans. Tu prenais, tu avais repris, elle a, la mémoire va me faire défaut, c'est certain, tu avais repris une pièce classique. Est-ce que tu te rappelles? Il y a 5 ou 6 ans, moi. 5 et 6 ans, ouais. Il y a 5 ou 6 ans, j'étais dans la production. Alors, elle m'a vu dans quoi? Goldoni, Molière, parce que dans ce cas, ça date de plus longtemps. Et c'est intéressant ce que tu me dis. Oui, oui, oui. Et t'es sûr que c'est de moi qu'elle t'a parlé, hein? Oui, ben oui. Alors, elle m'a vu reprendre une pièce classique. Ouais, oui. J'en ai fait pas mal. OK. Mais il y a 5-6 ans, je jouais plus. Je travaillais avec Gabriel Garand. OK. Et j'ai repris, j'ai remis un moment avant de jouer. Et j'ai repris, avant le Covid, là, je faisais du théâtre immersif. Mais du coup, c'était pas du classique. Moi, les dernières pièces classiques que j'ai faites, il y avait Goldoni, j'ai fait du Claudel, du Goldoni. Récemment, j'ai failli jouer dans mon... Non, mais il y a 5-6 ans... Les plus proches, c'était Goldoni. À quelle année? Goldoni, c'était en 2000... Ça date, hein? C'était en 2010. Ah non. Mais c'est pour ça que c'est... Attends, ça m'intéresse. Alistinus, tu dis? Oui, Aline Stinus. Mais en plus, je connais son nom, mais où est-ce que... Ben oui, elle a fait elle-même quelques pièces de théâtre. Elle a travaillé sur un projet qui n'a pas abouti comme beaucoup de projets, ouais. Sur Marilyn Monroe, ouais. Sur le livre sorti il y a quelques années sur Marilyn Monroe. Elle a, c'est une féministe. Alors, qu'est-ce qui te plaît ? Un verre de Sancerre, s'il te plaît. Citron pressé, s'il vous plaît. J'ai plus citron pressé, ah, non. Je suis désolé. Oh, non, il reste... Orange pressé. Orange pressé, s'il vous plaît, merci. Donc... Est-ce que tu vois la bouille blonde, Aline Sinus? Mais oui, mais on est même. Elle travaille chez France Culture. Oui, non, mais ça c'est récent. Mais là. C'est elle qui m'a vue, c'est elle qui m'a vue. Oui, vu. Regarde, oui. On n'est même pas amis. Ok, c'est, mais c'est génial. Non, mais elle va voir plein de pièces de théâtre, elle va voir des chanteurs, des chanteuses, elle va au musée, elle s'inspire de tout. Et puis j'ai eu même, il y a des gens qui me proposent des artistes. Je sais pas si tu connais Brigitte, pas Boucher, Brigitte. Elle se fait appeler Bébé de Montmartre. Brigitte, elle va me tuer si elle sait que j'hésite sur son nom. Son prénom, c'est Brigitte. Brigitte Bouchard. Bouchard, je crois. Bouchard? Oui. Elle habite tout près d'ici, à Montmartre. Sur Montmartre. Et puis, elle est professeure de théâtre dans une école privée. L'école, c'est un nom de comédien. C'est un nom de comédie? Oui. Non, de comédien. Ah! C'est vrai, j'ai plus d'orange pressée, non. Ah, ben, je vais vous prendre un coca. Comment ça... En tout cas, peut-être que tu la connais pas, là. Ben, Lecoq, c'est Lecoq. Non, non, c'est le nom d'un... Alors, attends. Il y a Claude Mathieu. Claude Mathieu, exactement. C'est une excellente école. Voilà, c'est là. Et voilà. Et puis, c'est une Québécoise. Donc, ah ouais. Elle est partie à l'âge de 15 ans pour venir à Paris, puis elle est restée ici. Okay. Donc, elle aussi va beaucoup au théâtre, va beaucoup voir même des gens qu'elle ne connaît pas. Elle est curieuse. Donc, c'est ces gens-là qui m'amènent des noms. Et puis, j'avais vu aussi des courts essais que tu avais mis sur ton Facebook à un moment donné, là, il y a longtemps, là, ça date, là. Et puis, je me suis dit, ben, c'est peut-être intéressant là, de faire connaître de aux faire gens. Ben, oui, non, mais de faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de comédiens, comédiennes, mais surtout que là, depuis 2 ans, c'est vraiment pas facile, ouais, pour personne, autant pour les comédiens que pour les gens normaux, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur chance de jouer encore, parce qu'il faut... Il faut être vu pour oui, toucher des indemnités et avoir un peu plus d'argent quand on ne travaille pas. Donc, et toi, ça a été ton cas ou si tu as passé ça avec facilité? Ah non, moi, ça a été très dur. OK. Ça a été très dur parce que, alors, comme je te disais, moi, j'ai enchaîné les spectacles, mais vers 2010-2011, c'était la merde, j'ai perdu mes indemnités, tout ça. Ouais. Donc j'ai décidé de me former sur le tas et je me suis dit, quitte à faire une formation, apprendre un autre métier, parce que je me suis dit, ça, un autre métier, c'est, ah ouais, ça va être tout ça tout le temps. Je me suis dit, bah, reste dans le même secteur. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans pour des boîtes de prod, des petites boîtes de prod, etc. Okay. J'ai appris à être... Non, mais tu avais déjà le pied dans l'engrenage. J'ai appelé, j'ai dit, t'as perdu ton assistante, je sais rien faire. Le temps que tu trouves quelqu'un de compétent, j'ai une tête, deux bras, deux jambes. En côte le temps à côte. Que tu trouves quelqu'un, tu me Faut que je puisse passer... Ok. Et j'ai enchaîné comme ça. Merci. Des expériences mal payées, mais où j'ai appris. Oui, oui. Voilà. Du coup, j'ai fait une petite formation par module à un moment donné, puis ça me conforte. Mais en fait, ça m'a conforté. Et puis Gabriel Garand, que je connaissais déjà depuis longtemps. Alors, Gabriel Garand, c'est un monsieur du théâtre, connu du milieu du théâtre, mais oublié aujourd'hui, qui est un ami qui est. Oublié pourquoi? Oh, parce que c'est un vieux. Ok, c'est une longue histoire. Ah, ok, oui, mais les femmes après 40 ans, c'est terminé ou presque. Oui, mais. 45 ans, c'est dommage. Non, Gabriel Garand, mon ami, il vient de décéder à 96 ans. Ah, ok. 87 ans? 96. Ah, c'était oui. Gabriel a fondé le théâtre de la commune d'Aubervilliers. Ok. Okay. Et après, il a fondé le théâtre international de langue française qui a fait découvrir plus de 200 auteurs francophones, dont des Québécois. Ah, ouais. D'ailleurs, si tu as le contact de Marie Laberge, on la cherche. Non, mais attends, Marie qui? Que je t'en... Attends, comment elle s'appelle? Attends, Marie Laberge? Non, c'est pas Marie Laberge, attends. Parce que c'est une romancière québécoise. Oui, oui, mais okay. Attends. Oh oui. Attends, c'est peut-être pas Marie Laberge. Je sors d'une réunion, c'est pour ça que je suis en retard, je suis désolée. Mais non, peu importe. On organise son hommage, là, donc... si, c'est Marie Laberge. Ah ben, c'est une romancière. Oui. Tu la connais? Ben, ils se connaissent bien, il a monté un de ses postes. Oui, femme extraordinaire. Donc, on aimerait la faire intervenir pour un hommage qu'on va organiser. Bon. Un hommage sur elle? Un hommage sur Gabriel Garand. OK. Gabriel Garand, qui a fondé l'hôtel de la commune. Ah ben, j'ai envoyé un courrier. Qui a participé en France à accueillir Marie Laberge dans... Alors, francophone. Elle le connaît. Mais oui. Ok. Bien sûr, il a monté Parfait. Prodige. Non, mais pourquoi qu'il ne veut pas communiquer avec elle? Il est mort. Ah, il est mort. Ok, c'est vrai, à 80. Ok. Okay. Il est mort en mai, sinon je ne ferais pas un hommage. Non, oui, c'est ça, oui. Ouais. Quoique, on peut rendre hommage à quelqu'un de vivant, on a fait à Renaud pour son anniversaire. C'est, un... c'est vrai. C'est encore mieux de son vivant. C'est vrai. Quoique, est-il vivant? Oui, mais bon. Il y a des questions. En tout cas, il y a le cœur qui bat encore. Et du coup, ça va, c'est arrivé à suivre parce que je rentre. Oui. Agenda quand j'en tiens un petit boudin. et du coup, j'ai travaillé. Et puis, il y a un moment, je me suis quand même dit, donc j'ai travaillé avec Gabriel sur il était déjà âgé, hein, pour sa compagnie, pour des événements, pour un spectacle qu'il a monté. Enfin bref, je faisais tout. Donc, je faisais directrice de production. Alors, tu as beaucoup appris grâce à lui ? Non, j'avais déjà appris beaucoup de choses avant. Ok, tu avais déjà une bonne formation. Mais j'ai appris mieux avec Gabriel parce que j'étais à plein temps pour lui, je faisais tout. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que tu as appris un peu à l'ancienne avec un homme aussi J'ai appris avec un autodidacte et je suis une autodidacte. Ah oui. Donc on se comprenait très bien. Ah, c'est ok. Lui-même est autodidacte total. Il a monté deux grandes maisons de théâtre, mais c'est un autodidacte. Mais crois-tu que sa mort a été effacée? On n'a pas trop insisté? Parce que quand M. Bouquet est décédé, le grand comédien, on en a entendu même des échos au Québec. Le problème provient d'un changement de politique culturelle. Ah ouais. C'est Macron un peu qui est derrière ça? Gabriel Garand était beaucoup moins connu que... Non, ça peut avoir... Ça date de bien avant Macron. C'est okay. On est sur une phase de la décentralisation théâtrale que les jeunes ne connaissent plus. Quand j'ai eu naissance à des théâtres comme Sudoberbier. Donc les gens ne sont plus dans cette culture-là. On est plus dans une culture du divertissement. La facilité. Ouais, je ne vais pas porter de jugement parce que je ne pense pas que ça soit facile quand même. Mais en tout cas, c'est pas la même. On n'est plus dans la démarche du théâtre populaire qui est d'aller à la rencontre des banlieues, à la rencontre des publics. Aller chercher le public et non pas que le public vienne à nous, aller vers le public. Ouais, on est peut-être plus dans un truc de starification, ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais. Après, chez nous aussi, hein. Ouais, voilà, parce que partout. Tu parles et ça fait écho. Ouais. C'est pas juste parisien, c'est... Ben ouais. Oui, c'est... Oui, mais ouais, le mal est partout, ou le bien est partout aussi. Il faut pas juste voir dans son patelin. Bien sûr, c'est pour ça que je ne veux pas juger, mais... Donc, Gabriel Garand, c'est pas une figure qui a cherché non plus à briller. Être connu. Ouais, non, il a fait son travail comme il le sentait. Oui. C'est un libre penseur. C'est un libre penseur et c'était quelqu'un d'assez discret, je pense. Après, ça n'empêche pas d'avoir cherché la reconnaissance qu'il méritait comme n'importe quel artiste. Mais est-ce qu'il l'a eu, tu crois? Il l'a eu sur des mises en scène et il l'a eu... Par ses pairs. Gabriel a plus été un éclaireur. Okay. Et un lanceur de talent que... Un passeur. Ouais. Mais est-ce qu'il a été reconnu par ses pairs, comme je le disais tout à l'heure? Oui, totalement. Que... Oui? Okay. Ben, et ça, pairs, c'est déjà beaucoup. Oui. Ouais. Sauf que le public n'était peut-être pas là. Ben, le public était là, mais il a vieilli aussi. Oui, oui, oui. Ben, c'est dommage parce que le nouveau public ne se renouvelle pas avec les ancêtres. Ben, il aurait pu s'il y avait une transmission. Ouais, Voilà. Il y en a une dans les universités de théâtre, oui. Il a été contacté sur ses vieux jours par des étudiants. Mais cet homme t'a influencé beaucoup plus que les autres. Mais cet homme est devenu mon ami. Donc forcément, il m'a influencé comme tous mes amis. Mais Gabi m'a influencé. Mais je suis allée le chercher aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'il a trouvé en toi que tu ne connaissais pas? Étant autodidacte, j'ai découvert que je savais faire des choses plus facilement que je l'aurais cru. Sans le savoir, tu savais des choses sans le savoir, c'est ça? C'est ça. Ok. Ou que j'apprenais vite, en tout cas, sur certaines choses. C'est particulier, parce que c'est vrai que je te parle de Gabriel comme employeur et comme un peu mentor sur certains trucs, mais en réalité, le fond était humain entre Gabriel et moi, okay. Avant tout. Okay. C'est un ami avant, puis un collègue avant. Ça a été un enfant solitaire, moi aussi. C'est un autodidacte, moi aussi. C'est un homme de poésie, moi aussi. Enfin, une femme, moi, je suis. Non, homme, H majuscule. Tu vois, et en fait, si ce que Gabi m'a fait découvrir, c'est des auteurs, c'est des textes, c'est des univers. Mais tu dis que tu n'as aucune formation. Tu n'as même pas, étant jeune, eu des cours publics en théâtre pour un peu à théâtre, non. Non, j'ai eu une formation de comédienne, ouais. OK. À Florent. Mais pourquoi tu dis que tu n'as pas eu de... Parce que là, je parlais de mon travail en tant qu'assistante de prod. Oui, mais quoi qu'une comédienne... Je n'ai pas travaillé en tant que comédienne. Non, je comprends bien. Mais une comédienne qui voit travailler les autres, peut-être sait comment fonctionne un peu la globalité. En France, je pense que beaucoup d'acteurs ne savent pas vraiment... Okay. quel est le travail des chargés de production et des administrateurs. On n'a pas une vision globale. Non. OK. Ils sont concentrés sur leur... Oui, puis on ne peut pas leur reprocher. On ne transmet pas beaucoup ça dans les écoles. Oui. Quoique, ils devraient avoir une petite formation. Curiosité. Moi, je pense que dans les écoles, on devrait faire ça. Ouais. Pour avoir une vision globale du théâtre. Parce que c'est bien beau, l'histoire du théâtre, d'où vient le théâtre, mais aussi les contemporains. Et moi, je l'ai eu. Oh oui, c'est ça. Moi, je l'ai eu à Florent. J'ai eu la chance de faire partie d'un cursus particulier. Ah. On allait rencontrer les équipes administratives, techniques, etc. Donc, ça nous a ouvert les écoutilles. Oui. Et je sais, quand je travaille sur un projet, tout ce qui est en branle derrière. Et c'est important, parce que... Est-ce que tu rencontres encore des anciens étudiants qui étaient avec toi? Est-ce que tu vois leur cheminement ou leur peut-être qu'ils ont abandonné pour faire autre chose? J'ai très peu créé d'amitié à Florent. Je pense que j'étais un peu une solitaire, contrairement à d'autres qui se sont mis très vite en groupe. Mais les contacts que j'ai eus ont duré dans le temps longtemps. C'est-à-dire que d'année en année, il y a une dizaine de personnes que je croise ou que je croise. Et je me rappelle deux autant que de moi, donc les rencontres se sont faites indirectement. Et je suis assez fière d'avoir connecté avec ces gens-là, parce que c'est des gens, je trouve, qui ont bien réussi leur parcours. Alors, ce sont des gens vrais. Que je trouve brillants, sincères. Et je me dis, tiens, c'est marrant que... Bah, peut-être que j'ai oublié les autres, mais je pense... L'affinité était déjà là et elle y est toujours. C'est étrange parce qu'à chaque fois que je vais voir ton Facebook, parce que tu as envoyé des trucs et je vais voir un peu l'ensemble où tu es rendu, je trouve que tu as un peu le mystère à Jenny, tu sais, le côté un peu... comme interrogative, là. C'est ça, un aura... indéfinissable. Une espèce de question ambulante. Oui, ah, mais c'est vrai. Trouves-tu ou est-ce que c'est en toi? Est-ce que c'est inné? Parce que tu m'as dit que tu étais une solitaire, elle aussi. C'était une fille qui n'a jamais voulu se montrer, mais malgré son talent. Je pense que je suis beaucoup moins exhibitionniste que je pourrais. On pourrait me le prêter étant comédienne. Oui, c'est vrai. Je sais être dans la lumière et je sais. Mais c'est pas là que je prends mon plaisir. Mon plaisir, je le prends dans le travail avec une équipe, avec un texte. Je dis pas que je prends pas du plaisir, la scène. Mais je prends aussi du plaisir dans l'ombre. Mais t'as changé parce qu'avant ça, quand t'es comédienne, tu veux faire des textes. Mais après ça, quand tu commences à connaître autre chose dans le théâtre, d'autres. Ça me passionne autant. C'est ça, exactement. Et tu préfères un peu être retirée et voir les comédiennes jouer, c'est ça? J'adore ça aussi. Moi, j'aime les comédiens. J'ai pas monté assez de pièces, j'aime pas le faire. J'aime les comédiens. Mais. J'essaye de répondre à ta question de manière simple. En plus, tu me demandes d'avoir un regard sur moi, un recul. Ben non, mais c'est. Mais c'est vrai que c'est intéressant, le côté un peu énigmatique, un peu. Mais je pense que je doute beaucoup. Donc peut-être que ça se voit. Ben. Je sais pas, ouais. Et. Peut-être que je doute beaucoup et. Tu sais, moi, être sur les planches à tout prix, c'est pas. Je m'en fous, en fait. Ok. Je peux être super heureuse d'être sur les planches parce que. Parce que je prends du plaisir à faire un truc utile, à faire un truc qui a du sens. Et puis si c'est un autre truc qui a du sens à un autre moment, ça me va bien aussi. Enfin, tu vois. Oui. Jacky s'en fout carrément. Jacky est forte à présent. Jacky risque tout pour du vent, pour du vent. Et Jacky a toujours le temps. Et Jacky est cinglé pourtant. Et Jacky sourit comme avant, comme avant. Et loin des conneries elle rêve. Et loin des prisons où l'on crève. Et loin des tricheurs elle m'attend. Elle m'attend. Je crois qu'elle voyage entre quatre murs blancs. On l'a rendue folle et sauvage en l'enfermant. Ce que j'aime, c'est l'oiseau qu'elle a là-dedans. qui s'envole en chantant. Chaque qui s'en fout carrément, et chaque qui vit dans un roman, et chaque qui joue ailleurs maintenant. Maintenant, et son esprit et son cœur a dérangé par erreur. Le regard perdu comme absent, je crois qu'elle voyage entre quatre murs blancs. On l'a rendue folle et sauvage en l'enfermant. Que j'aime, c'est l'oiseau qu'elle a là-dedans, qui s'envole en chantant. La lumière en quelque chose d'abîmé à jamais. Et loin des conneries, elle rêve. Loin des prisons où l'on crève. Loin des tricheurs, elle m'attend. Elle m'attend. Loin des conneries, elle rêve. Loin des jaloux qui en crèvent. Loin des tricheurs, elle m'attend. Elle m'attend. Je vois très parler bien. Avec toi, ça a du sens. Alors, je savais pas lequel, mais, je me suis dit, mais j'ai écouté ton truc, je me suis dit, j'aime pas bien ce côté un petit peu, toi aussi, comme ça. Hétéroclite. Ouais, hétéroclite, effectivement. Ça m'allait bien comme personnalité. Je me suis dit, allez, je fais confiance. Ben, en plus, qu'est-ce que tu risques? Bah, pas grand-chose. Hein? C'est l'été, il fait beau. Tu m'étonnes. Hein? Et puis, on a du plaisir. On se martyrise pas trop. On discute comme si on était des amis devant un verre, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Les gens ont peur, hein? Les gens ont peur de s'avancer. Mais c'est vrai que quand tu te racontes, tu te dévoiles, et quand tu te dévoiles, tu t'exposes, et quand tu t'exposes, tu as peur du jugement. Complètement, ouais. Est-ce que c'est en vieillissant que tu as préféré de mettre de côté ton côté comédienne pour faire autre chose, mais dans le théâtre, toujours dans le théâtre? La réponse est oui, mais il y a aussi une question de parcours. C'est que d'abord, je m'ennuie si je fais toujours la même chose. OK. Et je sais pas si on peut réduire ça au théâtre, hein. C'est le cinéma, la radio. Mmh. Tu fais un peu de radio? Non, et j'aimerais bien faire. Ok, oui. Oui. Non, mais poser sa voix sans image, c'est quelque chose. Puis tu as déjà eu une formation comme comédienne, vous devez pratiquer ça? Des voix. Pas de la radio, c'est particulier, tu le sais. T'es bien placé pour ça. Que c'est particulier? Oui, animer une émission, c'est pas pareil. Ah non, mais pas animer, mais... Non, mais une pièce de théâtre... Exemple, ouais. Une pièce de théâtre lue... Ouais. France Inter nous en présente souvent. Ouais. Ben de moins en moins, malheureusement. Moins en moins, là, ouais. France Culture, un peu plus. Un peu plus, oui. Puis c'est audacieux, c'est ça qui me plaît. Là. Ouais. C'est pas commercial, donc c'est un peu plus hermétique. Des textes qu'on connaît pas, mais que je connaissais pas et qui m'intéressent. Donc tu peux aller creuser sur Internet, hein, voir l'auteur, est-il encore vivant, c'est son intérêt. Ouais, mais les voix radiophoniques, c'est très, très intéressant parce que en fait, tu dois proposer un corps à travers ta voix. Oui, honnêtement. Et l'atmosphère, et c'est bien certain que le bruitiste, celui qui fait des portes qui claquent et tout ça, mais il y a l'intonation. C'est comme la doublure. La doublure, c'est un art. Ça fait à peu près 5 ans que j'essaie de rencontrer quelques personnes qui font des doublures. Ils ne veulent jamais. Ils ne veulent pas. C'est comme si c'était indiscutable. Je peux t'en proposer, moi. Ah, OK, t'en connais? J'en connais. OK, l'année prochaine. Moi, je démarre. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait?

parce qu'il y a une partie qui est choisie, une partie qui est subie. Ce qui est subi m'a amené à découvrir des choses qui m'a fait faire des choix. Parce que, tu vois, il y a une espèce d'articulation. Je ne manage pas ma carrière, quoi. C'est pas, il n'y a pas de management dans ce bordel. J'aimerais bien avoir un manager ou une manager. Et encore, je lui dirais non. Je pense que mon agent m'avait lâché parce que il arrivait. Parce que tu refusais des trucs. Pas oui à tout, bah oui. Mais pourquoi? Tu fais pas confiance ou c'est... Si, je lui faisais absolument confiance, mais bon, je démarrais lui aussi. Denis, c'est quelqu'un de super. Que tu connais. Ouais. Très bien. Mais je voulais pas mettre de côté. Je voulais pas mettre de côté un projet de théâtre, même pour rémunérer, si j'estimais que c'était important pour moi de le faire. Est-ce que c'est les auteurs qui t'intéressent ou si c'est... Les auteurs me passionnent, oui. Plus que les gens qui jouent la pièce avec toi. Ça se compare pas. J'ai pas de jugement par rapport à plus ou moins. J'aime les gens, j'aime les humains, j'aime les gens. Mais j'ai pas de projection sur ça, en fait. Je sais pas comment te dire. J'ai cette espèce de fantasme autour de l'acteur ne m'intéresse pas. Okay. Voilà. Je peux prendre du plaisir, je peux aller me pavaner dans un festival et jouer un peu, mais ça va très vite me lasser. Oui, je préfère les auteurs, ouais. Je préfère le... Mais c'est pas les humains que je juge, c'est la matière que je... Est-ce que tu as le goût, à force de lire des auteurs, d'écrire quelques brides? Ah, tu vois, y venir? Tu vois que t'es fort. C'est toi qui es fort. Ouais, non, c'est voyons. Un très bon intervieweur et je vois bien. Oui. Non, moi je fais des rencontres radiophoniques, que je fais pas de... j'ai pas de formation, moi. Non, mais je sais. J'ai des déformations, par contre. Je m'en doute un petit peu, mais c'est bien. Hey, c'est avec les déformations qu'on arrive à choper Oui, comme disait Brel, il faut désapprendre son enfance. Donc, c'est bien ça. Ah ben non, voilà. Oui, à un moment donné, il faut comprendre de soi-même, il faut se dépouiller de ce qu'on a reçu pour réapprendre. Complètement. Et de prendre ce qui est bon dans chaque chose. Ça, ça me plaît bien ce que tu dis. Tu me refiles. Non, mais c'est pas de moi, c'est de Jacques Brel. Oui, mais faudrait que tu... Ah, c'est Brel, mais oui. Brel, Jacques Brel, oui. Le grand Brel. Brel hier. Ah, Brel, oui, bien, c'est ça. Mais Brel a dit des phrases tout à fait éloquentes. Et tu peux lire du Brel. Je trouve que ses phrases, des fois, sont aussi percutantes que ses chansons, que ses bouts de texte. Oui. Pour accessible, pour trouver l'inaccessible étoile, que dire de plus? Si tu veux, on refait une émission sur Brel. Ben oui, on peut faire... J'ai un ami qui est expert. On fera une genre de table ronde. Ça peut être intéressant. Mais c'est sérieux, moi aussi, je suis toujours sérieux. Mais il faut être sérieux aussi dans l'humour. Mais dans tout. Tu sais, les gens là, qui sont là à regarder une pièce de théâtre, que ce soit un fait d'eau, quand les claques. Quand on fait claquer des portes et quand on fait sortir le mari puis rentrer la... C'est beaucoup de travail. Oui, c'est sûr. Mais ça semble rigolo, mais l'humour est très sérieux. L'humour est très sérieux, oui. Complètement. Puis peut-être que le dramatique est à prendre un peu plus à la légère, hein, parce que si tu as quelque chose de lourd, il faut se décontracter, il faut... Ben oui, parce que sinon, c'est étouffant. Il y a des auteurs ou des réalisateurs qui sont très, très durs, hein. On ne les nommera pas, mais qui peuvent... Mais Piala en était un, Maurice Piala. Quand tu rentrais dans son univers, c'était pas un film qui prenait 4 mois comme à l'époque, mais ça prenait 2 ans. Tu prenais un peu comme Kubrick, il prenait de l'espace, puis tu devais rentrer dans son univers. Puis quand tu avais signé, tu sortis... C'est pour ça que Sophie Marceau a juste fait un film avec Piala, c'est police, elle voulait plus rien faire d'autre avec lui. T'sais, parce qu'il vient te chercher quelque chose que tu savais pas, comme Kubrick. Pourquoi que le divorce de Kidman puis Tom Cruise? Parce qu'ils ont été chercher toutes les interstices là, de ce qui n'était pas bon dans un couple. Et le couple a foiré 6 mois après. C'est pas fou. Hein, c'est, puis... Mais tu vois, peut-être que c'est ça le travail d'un auteur aussi. Sauf qu'il le fait seul livré avec ça. Oui, c'est ça. Page blanche, mais... Parce que toi, quand tu joues ou quand tu écris, tu te livres, tu t'offres. Tu deviens un objet scénique. Oui. Et le paradoxe, c'est que je pense qu'on devient auteur de quelque chose aussi. Ah oui, ben oui. Parce que tu donnes ta signature, tu donnes ta façon de dire qu'une autre pourrait pas faire ou qu'il pourrait pas dire. Puis souvent, quand tu vas voir des pièces de théâtre, il y a des fois 2 comédiennes, un joue un soir, l'autre, puis tu peux voir les 2 pièces de théâtre, les 2 soirs différents, et ça sera pas la même pièce. Effectivement. Et c'est pour ça que je perds ça comme une rencontre avec un auteur. Tu vois, c'est pour ça que tout cet autour me... Tout le monde, il y aura toujours des gens pour en parler. ce que c'est qu'être acteur, du plaisir, du déplaisir, de machin, mais on s'en fiche en fait. Parce que l'essence de ce métier, c'est une rencontre avec un auteur. Oui. Et après avec une équipe, évidemment. Oh, comme ouais. Mais. Auteur vivant ou mort, même s'il est mort, c'est pas important. Ouais. Il y a forcément une rencontre amoureuse. Ouais. Elle peut être passionnelle, elle peut être tordue, elle peut être torturée, elle peut être agréable, elle peut être désagréable, mais elle doit avoir lieu. Mais le metteur en scène est aussi important. C'est bien beau avoir le texte, mais si le metteur en scène n'a pas compris la pièce ou n'a pas compris le texte et... On a le droit de dire non. Ouais, mais une fois que tu as... Une fois qu'on a dit oui, après on assume, c'est là où on est un artisan. Est-ce que tu dois connaître un peu le metteur en scène avant de dire oui ou... Ou si vous vous rencontrez un peu comme ici, devant un verre, puis... En général, j'aime bien écouter aussi mon attraction pour un metteur en scène ou pas. OK. S'il y a quand même... choisis tout le temps, mais je me suis quand même pas mal démerdée pour choisir beaucoup, ce qui m'a parfois mis sur le carreau au niveau financier. Ben c'est ça un peu être comédienne ou jouer, mais être dans le spectacle vivant. Oui, quel intérêt si tu peux pas y avoir cette rencontre aussi, bien sûr. Et donc, en général, si je ne connais pas le metteur en scène, j'aime le rencontrer avant. Est-ce que tu vas voir d'autres comédiens que tu connais pour leur demander, crois-tu que ce serait intéressant que je travaille avec lui ou avec elle? Très rarement. Très rarement. Tu fais confiance à ton instinct? Oui. Puis à travers les... Si je le fais, c'est que j'ai déjà un doute. Si je pose ce genre de questions, c'est que j'ai déjà un doute. Et ce ne sera pas sur la nature du travail, ce sera sur le rapport humain. Moi, sur la nature du travail, je fais confiance à mon instinct. Ouais. Est-ce que tu te considères comme féministe? Bien sûr que je me considère comme féministe. Évidemment, Reynald. Oui. Je peux être que féministe vu que j'aime bien les hommes. Tu vois, qu'est-ce que... Oui. Mais veux-tu jouer le côté un peu plus politique ou idéologique de la femme ou tu préfères faire pas faire. Je sais que tu vas chercher sur le type de rôle qui me conviendrait, mais... je vois pas l'intérêt, alors que qu'un auteur décide de que ce soit intéressant de d'écrire ça et que je me soumette à ce truc-là, oui. Mais moi, personnellement, j'ai pas d'intérêt à jouer une femme politisée, parce que... ou alors... Ou le discours peut être politique aussi. Enfin, un discours politique, mais enfin... évidemment, ce qui me déplaira plus, ce sera de jouer un spectacle qui défend des idées politiques opposées aux miennes. Mais aller jouer un spectacle sous l'unique prétexte que c'est un discours politisé, sur le féminisme, je suis pas sûre. Non. Ou alors, il faut un angle de vue qui soit assez universel. Il faut quand même, à un moment donné, ça touche à l'universel, à l'intime et à l'universel. Ouais. Si on rentre dans un... Le discours politique du féminisme peut être très clivant. Ok. Et alors, du coup, j'ai du mal. Évidemment que tu parles à quelqu'un qui se considère réellement comme féministe et qui aurait des choses à en dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de paroles qui sortent déjà. Vaut mieux écrire des textes, vaut mieux. Tu crois que tu pourras pas alimenter un peu plus que ce qui se fait actuellement? Qui est-ce que ça va intéresser? Ben, les gens qui sont féministes. Mais les gens qui sont féministes, s'ils le sont, c'est qu'ils ont déjà travaillé pour savoir pourquoi ils l'étaient, je l'espère. Oui. En revanche, jouer ou monter une pièce autour du sujet des combats féministes, mais qui mettent en évidence des non-dits, des incompréhensions, des mises en abîme, comment on peut avoir un discours politique, mais aussi quelles questions ça soulève. Ouais. Ça m'intéresserait, oui. Quelle question ça soulève dans le rapport aux autres, dans le rapport éthique, dans le rapport au genre, dans le rapport aux rapports sociaux? Quel type de combat c'est réellement? Faire émerger... Le théâtre, c'est fait pour montrer ce qu'on ne voit pas. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que ou le révéler, c'est ça, le révéler. Si c'est pour tenir une énième fois un discours politique, juste ça... Et qui ne fait pas avancer la situation. Ouais, ça peut être chiant. Parler pour parler, ça fonctionne pas. Moi, ça me ferait chier, je pense. Ou alors, il faut que ce soit extrêmement bien écrit. Ouais. Et que je joue un personnage qui est une femme politique, etc. C'est pas pour être la caricature. En fait, c'est comme si... Sinon, je vais être la caricature de moi-même. Ah ouais, ouais. Je ne suis pas comédienne pour être la caricature de moi-même. Non. Ou alors, faut l'exagérer vraiment, volontairement. Tu veux défricher. Ben ouais. Mais c'est normal aussi. C'est normal. On veut pas refaire... Il y en a qui sont très bons là-dedans à refaire la même chose. Et puis, c'est comme les suites. Faut jamais retoucher à quelque chose qui a bien fonctionné. Sinon, ça devient redondant. Et ça sent le côté commercial. Oui, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Alors, j'ai pas envie qu'on entende l'inverse et qu'on pense que j'ai pas envie de traiter de ce sujet. Ah non. Mais sous l'angle, être une femme qui a un discours politisé, franchement, même moi, ça me ferait chier. OK. Ça, je veux bien en parler avec des copines ou des mecs ou des potes autour d'un verre dans un bar. Ou alors écrire une tribune dans la presse. Ouais. Mais au théâtre, faut que ça émeuve, faut que ça touche. Qu'est-ce que tu voudrais, avant de passer à mes 10 questions, qu'est-ce que tu voudrais apporter comme discours, comme comédienne? Qu'est-ce que tu voudrais prendre comme flambeau puis communiquer aux gens si tu veux prendre un flambeau et... Est-ce qu'il y a des messages que tu tiens ou tu veux juste divertir? J'adore divertir, mais c'est pas antinomique. Non. On peut avoir des choses à dire en étant divertissant. Moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est des choses qui... si tu veux... Le comédien est un miroir peut-être, mais le spectateur est aussi un miroir pour le comédien. Oui, c'est comme l'énergie. Tu donnes de l'énergie, puis tu en reçois. Évidemment, et l'acteur travaille quand même sur quoi? Sur la réalité de ce que sont et vivent les gens. C'est la base première. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à trouver des sujets, soit qui éclairent le monde sous un langage de beauté qui augmente, soit de mettre, dans tous les cas, qui mettent en exergue des malaises, Et l'endroit intéressant, c'est de trouver là où ça me parle intimement à moi et là où ça va parler intimement à chaque personne. Et c'est là toute la difficulté. Du coup, j'ai pas un thème précis. Du moment que ça éclaire, tu vois. Oh, oui. En fait, je suis une éclairagiste. Oh, oui, je comprends. Oh, en fait, oui. Je suis pas comédienne, je suis éclairagiste. Ah, mais c'est merveilleux. C'est... Voilà. Est-ce que tu... On avait parlé d'écriture avant de se faire interrompre quelques minutes tout à l'heure. Aimerais-tu écrire? J'entame un stage d'écriture cet été, tout l'été. OK. Le one-woman show, peut-être pas, hein? J'ai toujours repoussé cette hypothèse. Mais pas sur... Je suis moins catégorique aujourd'hui. On associe ça à l'humour, mais tu peux faire autre chose. Hein? Ouais. Okay, ouais, ouais. Ceci dit, je serais capable de me faire avoir moi-même et de vouloir faire un truc sérieux et de devenir drôle, parce que j'adore me marrer, j'adore faire le clown. En tout cas, le format pris comme ça m'a longtemps répugné, puis c'est un peu... je trouve que c'est un boulot à part entière. Donc ça demande aussi l'énergie de s'investir. Ouais. Puis après, tu te trimbales l'image du performant ou de la performeuse de One Man. Oui. Mais aussi, tu tiens sur les épaules tout le spectacle. Aussi, et je bouge vachement mes limites en ce moment. Je me dis, pourquoi pas? Il faut arrêter de dire non. Ok, là, t'es prête. T'es prête. Ben oui, pourquoi pas? Voilà. Donc, tu m'écris un truc. Ben oui, je vais t'écrire un truc en québécois. Je vais voir que... Mais pour venir à l'Indistinus, avant de passer, elle a fait une pièce, elle a écrit elle-même une pièce où elle arrive sur scène nue, puisqu'on a oublié de lui remettre ses vêtements pour monter sur scène. Elle fait son complètement nue pendant toute la pièce de théâtre. Et c'est une féministe. Et elle, c'est le langage du corps. Hein? Comment on perçoit la nudité. Et ce n'est pas sexuel du tout. Oui. Mais comme ça pourrait l'être. Là. Mais à un moment, tu oublies la nudité. Et voilà, c'est ça. Et une heure et demie à poil. C'est long. C'est long, mais elle a juste un casque de bain. Elle joue aussi beaucoup avec... Elle aime bien les clowns. Ouais. Donc, c'est un peu clownesque, mais c'est tout à fait brillant. J'ai vu des brides, c'est hallucinant. C'est une fille que j'adore. C'est... Elle le joue en ce moment, ça? Ah non, elle a fait ça il y a 10 ans. Oh. Et j'avais demandé, avec les années, est-ce que tu serais prête? Elle a dit non, là, j'ai tourné la page. Elle veut faire autre chose. Mais elle l'a fait pendant plusieurs années. Elle a arrêté, elle a repris. C'est comme les pièces de théâtre, hein, on les arrête, on les reprend. Ouais. La troupe ne tient plus, on retrouve d'autres personnes. Voilà, pour renouveler. Exactement. Mais il y a des gens qui restent là. Et d'autres... Mais tu vois, je viens de la demander à un ami grâce à toi, donc on m'a posé tout ça. Ah, oui, c'est bien. Je l'adore, oui, je l'adore. Mais quand il rentre sous